Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, s'enfuit déjà, oublier les temps des malentendus, les temps perdus, à savoir comment oublier ces heures tuées parfois, à cause des pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine, l'amour sera loi, l'amour sera roi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là comme des fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort. Tu n'en vois pas et tu rencontreras. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent réjaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il des terres brûlées comme un bruit de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, les rouges et les noirs, ne se pose-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cacherai là de regarder danser et sourire et t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta mère, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.